bien nouvelle. Quand les jours sont clairs et belles et la saison telle, juste le mont de Castel trouvait pastourelle. Elle avait de fleurs chapelles, robe simple et belle, et ceinture de roselle. Elle châle mêle d'eau en l'eau à eux, père et fils de Tamortée, d'autre part Estelle. Je descends, dis au prael, dis à la donzelle, aimez-moi ma beau joyel, et meilleure qu'autelle. Vous donnerez que passerelle, l'ordi perronnelle. J'ai poï ma jouvencelle, chante en ritournelle, en promettant en belle, jusqu'à grand querelle, d'or en l'eau à eux, ne s'émille mon pensée, qui d'amour m'appelle. La pastoure avec clair vie et couleur rosée, je dis belle votre amie, suis si vous agréez. Sire, j'ai mon cœur remis et ma moue donnée. À Perrin qui m'a conquis, dois être épousé. Mais nous sommes mal partis en cette contrée. Donc en l'on parle, les Français qui sont passés, qui d'amour m'appellent. Êtes-vous des ennemis qui l'auront passé, et d'autres côtés du lys pour leur rassembler, triche, elles sont mal baillées, et j'en parle juré, dans l'eau à